spatial, un amour de FM. Vous à toutes les 13h30 passées. Voici donc bien l'émission comme tous les mardis avec plusieurs chansons différentes, avec juste un instant de l'accordéon, puis on en retrouvera au cours de l'émission. Et puis il y aura d'autres chansons aussi différentes avec comme par exemple le jazz. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis aussi un bon début de semaine. Voilà, eh bien, nous sommes déjà début de septembre. Eh bien, oui, ça passe très très vite les mois. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec un autre morceau d'accordéon, mais c'est plus un morceau. C'est plutôt un mélange d'accordéon et puis juste après les nouveautés en chanson. Avec du côté tout simplement qui s'appelle le Brésil Finistère. Jolie chose, c'est une jolie chose. petites jolies choses. Jolie chose. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, il s'appelle Alex Deval. Je profite de toi. Et puis juste après lui, ce sera Johnny Ski. Reflète sur la dalle et vole à son tour le pourtour de mes envies. Je profite de toi en parcourant ta pudeur et je m'agite devant toi en racolant ton bonheur. Ma belle, je t'aime encore. Le jour, la nuit, à la lumière des bougies, vois comme mes bras saignent encore. Les murs sont noirs car ils fanent d'ennui. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Et je m'agite de toi en racolant ton bonheur. Mais que sais-tu de mon bonheur au juste? Le ciel, la terre, tu crois tout avoir, mais tu n'es qu'un homme parmi tant d'autres. Tu penses me regarder, mais c'est moi qui te regarde. Amour, amour. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Et je m'agite de toi en racolant ton bonheur. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Et je m'agite devant toi en racolant ton bonheur. Que mejor nos queda. moins deux. Voici donc bien les titres, tout simplement des émissions différentes pour la semaine et pour le week-end. Donc avant, voici donc pour le mardi, à partir de tout simplement 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission électrique Choc. Donc aujourd'hui à partir de 19h jusqu'à 21h. Demain, comme tous les matins, avec Francky, entre 7h jusqu'à 9h. Le réveil, tout simplement, c'est bien, avec Francky, entre 9h jusqu'à midi, avec Victor, Portugal, No Foresta, avec donc Victor, entre 9h jusqu'à midi, et puis dans l'après-midi, à partir de 10h, oui, 16h, entre 16h et 18h, avec Irène Lavie, comme elle va, suivie de Violette, entre 18h et 19h30, avec l'émission traditionnelle. Et donc, suivi après pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec tout simplement l'émission Vase de Portugal avec Arnaud Giraud. Voilà, puis donc pour le tour de l'émission, et bien on fera d'autres thèmes d'émissions différentes. Changer de style de musique avec un petit bonjour à tous nous. Voici donc deux morceaux de classique. Voici. Thank you. arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc Alexandra Murat. Je vois à travers toi, tu sais. Donc, sans toi, et puis juste après, tout simplement, une autre chanson différente avec le cœur pirate. Je te connais. Je sais beaucoup sur ton sujet. J'ai tellement peur de te laisser. lorsqu'on essaye. Et nos histoires reprennent leurs ébats. Un canon se contit de nous. On vient de ce que l'on ne sait pas. On image, on dit adieu. On vit dans ce que l'on ne connaît pas. Le cœur plein d'espoir, fumeur, de Havane, je rêve en bleu, les douces heures, les jours heureux dans nos cœurs. Alors le soir, je suis un bluesman, le cœur plein d'espoir, fumeur de Havane, je rêve en bleu. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Après donc, Régis Fléchot, voici donc Rose. J'avance un peu comme je peux sous mes orages. Je puise dans tes yeux, j'épuise ton courage. Comme je peux toutes les pages. Un homme heureux, ça vous rend sage. Je croise encore quelques fantômes d'autrefois. Et je tue quelques clones, les pires d'entre moi. Je flanche encore sous les automnes, je perds ma voix. Et puis je me résonne depuis toi. C'est pas gagné, c'est pas de je retrouverai un peu la paix ou le sommeil. C'est pas que je sais pas ce que tu fais là, mais je me demande ce qui te fait rester à mes côtés et attendre. Même si je glisse, je tiens la barre loin de mes peurs. Je suis son étendard, chacune de nos heures. Fier de n'avoir encore jamais vainqueur sur le hasard qui t'a mis sur mon cœur. C'est pas gagné, c'est pas demain, demain la veille, que je retrouverai un peu la paix ou le sommeil. C'est pas que je sais pas ce que tu fais là, mais je me demande ce qui te fait. Voici tout simplement, eh bien, c'est Lily d'Harmonie, un petit bonjour avec Renaud, suivi de Garou, un de ses chanteurs préférés, puis l'autre surprise après Garou. Je vous balance un son pour entrer dans la danse. Des coups, des bobs, sans équivoque, du bon, du mal, même si ça choque. Chanter, crier, ça je sais faire bien plus pour plaire. Warrior, c'est moi, je suis comme ça. Warrior, c'est moi. Warrior, c'est moi,

Le bon vieux rhum et la biguine qui réchauffe le cœur des filles. Le bon vieux rhum et la biguine qui réchauffe le cœur des filles. Le bon vieux rhum et la biguine qui réchauffe le cœur des filles. Simplement avec Anaïs Cartoro, le titre La Rose des Vents, et puis juste après elle, ça sera tout simplement le titre de Marche, le titre là, et c'est interprété par Jenny Sugar. Respirer la rose divine, la pétine tourne. jardin. Je l'ai vécu pour toi, toi qui n'existes pas. Découvrez la passion de la musique. Je t'écrirai des chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Les chansons qu'on dit d'amour, t'as toujours été pour. Comme tu dis pour changer d'air, y'a pas mieux que la mer. Si tu veux changer de coiffure, je t'emmènerai

Voilà donc, avant de continuer avec les chansons et musique, eh bien voici donc les émissions différentes pour ce jeudi suivi à ce vendredi. Donc pour le jeudi, à partir de 15h jusqu'à 17h, avec Groove Tropical avec Chantal, et puis entre 19h jusqu'à 20h, Nacha Manka avec Louis. Le matin, partir tous les lundis jusqu'à vendredi, de 7h jusqu'à 9h avec Francky. Donc, eh bien, le suivi à partir de 9h vendredi, entre midi, avec Lorenzo. Et puis, donc, vous allez me retrouver dans l'après-midi, entre 13h30 jusqu'à 16h. Et puis, juste après, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Manu avec l'émission Découverte. Et puis entre 19h jusqu'à 22h, Albino avec l'émission Marika. Voilà donc. Voilà donc eh bien pour les émissions du week-end. Donc eh bien pour le samedi, dès 9h jusqu'à midi avec Christine, l'émission Portugal Nous Corréziens. Juste après, entre midi jusqu'à 14h avec Sylvie, pause musicale. Et puis entre 14h jusqu'à 16h avec Carla. Et puis juste après, entre 16h et 18h, ils sont deux avec Noche Alanka, Julien et Louis. Et puis pour le dimanche, à partir de 8h jusqu'à 14h avec Cantal Dougalo, avec Antonio et Mathieu. Et puis le dimanche, suivi de 10h jusqu'à 12h30, le téléphone sonne avec Lionel, Katia et Jérôme. Voilà donc eh bien la grille des programmes. Voici donc, moi je vous laisse avec quelques chansons portugaises, mais on va débuter une des chansons un petit coucou, tout simplement, à Florian. Como uma lágrima caída sobre o rosto, vejo no espelho ao longe se afastar de mim a minha mãe, meu pai e gente de quem gosto. Pois minha vida hoje já não é aqui. Eu sigo a estrada rumo ao norte, tão sul da chuva. E a saudade aperta por amigos meus. Mas esta é a minha sina e nada muda. Chegou a hora de ter que dizer adeus. De ficar e dos meus pais abraçar, escondendo o meu canto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar, digo adeus a quem mais sabe. e dos meus pais abraçar, escondendo o meu pranto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar, digo adeus a quem mais amo. Tout simplement de Tony Carrera, tout simplement une information, c'est que pour Zénith d'Orléans, il sera Tony Carrera au Zénith donc d'Orléans le 21 janvier 2022. Donc voici un des titres. Mon ami, et pour ces milliers de liens qui te retiendront ici, tu verras. Chant d'amour porté par le vent. Il y aura aller ou viens. Sans envie, maquillage, il suffit de presque rien pour écrire une nouvelle page, tu verras. Le titre s'appelle Siago Diago. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me. I swear I know.

pilote ma prière. Ma révolte, ma colère. C'est en claquant du pied, pas en levant le doigt, que se fait écouter la femme et quand. C'est en claquant du pied, pas en levant le doigt, que se fait écouter la femme et quand. Samson, et puis juste après elle, un bonjour, tout simplement un petit coucou à Mila, et son titre s'appelle Sans toi. La naissance de la gabelle. Si j'avais pu, j'aurais cessé de penser à toi. J'aurais cessé d'aimer et cessé d'espérer. Si j'avais pu, j'aurais même effacé ta voix. Ne plus jamais rêver qu'un jour tu serais à moi. Mais voilà. Voici donc Franck Michael, et puis juste après, suivi de Sarah Fortin. Grâce à toi, le grand amour existe encore. Je ne voulais plus y croire. L'espoir m'avait fui, elle était finie, l'histoire. Puis tu es apparu dans mon obscurité, comme un soleil inattendu. Ce n'est pas la fin du monde. Je suis sûr que bientôt la vie va leur offrir le visage du renouveau et ils pourront lui dire: j'ai le cœur. Flat. des bourbons cirque, je suis pantouflarde. Dans ce cache de biscuit, je mets ça de côté. Je vais t'aimer encore à l'appart. J'ai encore solide, ça avait l'asphalte du stationnement. Je vais t'aimer. Mon flat. De quoi est fait notre destin? Ça tient à peu, ça tient à rien. Yeux dans les yeux, main dans la main. On s'était perdu, on s'est rejointe. Quand je me souviendrai. Je n'oublierai jamais les mois dans lesquels ton regard m'a plongé. Quand tu m'as enfin regardé, souviens-toi, je te parlais, t'écoutais pas, je te disais, intéresse-toi à moi. Souris-moi, aime-moi, demande-moi. Porte-toi mon enfance, raconte-moi, sinon on se perdra. Quand je te après elle, ça sera Violette Chiara. Faire briller les mots, je me perds dans le ciel, dis-moi, c'est comment?

calotte de ton passé. Vole et sois l'aigle de feu qui arrive pour se venger et devient toxique. Deviens l'hôte de ton passé. Vole et sois l'aigle de feu. Trouve-le, craque-le, trouve-le. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'homme, c'est pas l'autre, c'est pas si fou. toi, y'a personne en haut. Pourtant, la vue est plus belle. À ta moitié, tu dois tomber si je vois là. Le plaisir de l'heure, c'est le bonheur, ça casse tout. Parce que j'avais fait ma toux, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Isanil, le titre s'appelle « S'il y avait des mots ». Folie, la raison ne décide pas toujours. reste de toi. Reste à tout jamais gravé les mots que tu m'as écrits. S'envolent vers l'infini. J'aimerais oublier le temps et vivre l'instant présent. Où seul notre amour s'insère. C'est quoi la vie? Être beau, être riche? Dis, c'est quoi la vie? Être belle et célèbre? Non, c'est pas ça la vie. Faut vraiment que tu comprennes que c'est pas ça la vraie vie. Sur les rives de la Vienne. sur Galette Choucel, ta journée est bien pleine. Bénodet, Concarneau, y'a tout ce qu'il te faut. Édouard de Lesfrénon, l'été ça détend. Bienvenue en Finistère, tout en haut de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dans nos stamsères. Bienvenue en Finistère, tout en haut de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dans nos stamsères. La la la, les noms. La la la, les noms. Si tu vas jusqu'à Brest, ne retourne pas ta veste. Et pour voir Matmatam, à l'ambé tu passeras. La cavalcade d'Asker, un carnaval d'enfer. Des corrigans tout verts, des loups et des sorcières. Bienvenue en Finistère, tout en bout de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dans nos cimetières. Bienvenue en Finistère, tout en bout de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dans nos cimetières. La la la, les noms. La la la, les noms. Court passage dans les îles, en bateau à Belle-Île. Île de Broye, île d'Ouessant, pour la pêche c'est grisant. Île de Baye, île de Saint, bien sûr c'est aussi bien qu'un arrêt au Glénan avec les dauphins. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Tu vas chez Léna, dis-lui bonjour pour moi. Et si t'as le temps, passe à Brignogan. La liste que j'ai faite est bien sûr incomplète. Si vous avez envie, on continue cette nuit. Bienvenue en Finistère, tout en haut de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dont nous sommes fiers. Bienvenue en Finistère, tout en haut de la terre. Bienvenue en Finistère, des terres dont nous sommes fiers. La la la, les noms. La la la, les noms. Arrêt sur image. C'est la fin du voyage. Arrêtez-vous ici, où la terre se finit. Voici donc, elle s'appelle tout simplement Marielle Sand. Et le titre, qui c'est soi. Toi, par l'univers planète, univers à toute bride, par l'univers bourdon dans chaque cellule du corps, par les mots qui s'engendrent, par ces paroles étranglées, par l'avant-scène du par vent d'éternité, par vent d'éternité, par cette naissance qui nous dessert le monde, par cette mort qui l'escamote, par cette vie plus bruissante que tout l'imaginé. Toi qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Toi qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Je te suis bien plus proche qu'étranger. Toi qui que tu sois, toi, je te suis bien plus proche. Toi qui que tu sois qu'étranger. Toi, je te suis bien plus proche. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Ça s'appelle tout simplement Victorine Soula. Et le titre, je t'emmène au vent, et puis suivi de Lily Harmony avec une de ses titres, pas mal. Et puis, juste après, ce sera un morceau trop rock, du rock qu'elle aime bien. Sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai voyagé de ville en ville, accosté à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles, trouver ce beau. Dans le regard de mon père.

spécial, un amour de FM. Je vous laisse avec un titre, de plutôt un morceau de Madonna, et puis juste après elle, ça sera Yannick. Yannick.

obligé de faire ça. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent. Suive-le pas. Allez maintenant on y va. Cette soirée là, avant même qu'elle s'est commencée. On est déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on la saute à pas. Avec bien plus de cils que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, on prend reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu qu'on sans rien, à pas moyen. Cette soirée-là, on rate mon toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans ces soirées-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, les chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si. J'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans ces soirées-là. Toi-même tu sais. Jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer. Mais c'est sur elles que j'ai craqué. Comment il allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, au mieux je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir. Bon, si tu veux, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là, toi-même, tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tous celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, suive-le pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas. Cette soirée-là, on braille pour bon, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Cette soirée-là. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel.

zona, mas pra obra acabar há tempo até de forma. Para saber mais sobre este e outros panfletos,